Tracé gyrophare, j'ai la vie que j'ai. Bénédiction, devenir chef. Tout si fait ton possible, j'ai navigué. France foutu papers, pense à le passer. Quand qu'est oncle Benz dans la kitchen. France foutu papers. Y'a quelques poisons sur tes côtes et si tu nous cherches. Sûr que maintenant c'est nous on tient. Ton opinion je m'en fiche, j'veux un chèque. Tes promesses je m'en fiche, j'veux un chèque. Auditeur et je m'en branle, j'suis au check. Casino, table à mise élevée. Y'a y'a que 2, 3 revés, sac marron plein de pif, on est gang. Ma pute est pleine de collagène. J'ai fumé la cheese, le leasing. Et j'prie un Porsche à 2,40. Oh yes, j'suis venu pour un chèque. J'promène quelques raclis dans la Rolls. Une parcelle du Jex, des tox et du matos. Un AK-47, on vient pour faire la bolognaise. Petit con, euro, euro, euro. Riche, j'vais guérir de mes. Si j'ai un sac plein dans le range. Euro, euro, euro dans le range. Euro, espèce, cocaïne dans la presse. Et le laboratoire dans l'arrière-salle. Conteuse dans la chambre, froide. Ça va retourner la terre comme la Wehrmacht. Violence physique et verbale. Bien trop illicite pour le public. Max de fric généré au plus vite. Des munitions du plastique, hein. Avant qu'on trouve nos limites et qu'on pète une jurite. Cramé dans le bain, tu les combien. Si je médite, j'en prends un max. Si je révise, y'a du sang dans le bain. Mais j'ai vu pire que des refs qui portent des flingues et des sbires. Shootstar, Marseille, DLC. J'ai que tu l'offres pour ma terre. Capsule et pochette agrafée. Et j'appelle personne, elle révèle. J'suis venu pour un chèque. J'promène quelques raclis dans la Rolls. Une parcelle du Jex. Des tox et du matos. Un AK-47, on vient pour faire la bolognaise. Petit con. Euro, euro, euro. Riche, j'vais guérir de mes plaies. Si j'ai un sac plein dans le range. Euro, euro, euro. Dans le range. Euro, espèce. Cocaïne dans la presse. J'y vais, j'y vais.